Timothée devint blafard. Il venait de fumer sa dernière cigarette de cannabis et savait pertinemment ce que cela signifiait. Contraint d'aller acheter du shit dans un quartier populaire comme tous les 15 jours, il enfila ses chaussures véganes et sortit de son T4, l'esprit empli des mots fléchés du canard enchaîné qu'il n'était parvenu à terminer avant son départ vers l'indicible. Peut-être ne les terminerait-il jamais. En ce soir d'Halloween, le métropolitain, aux lueurs blafardes, sembla s'emplir graduellement de sombres races aux yeux jaunes qui inspiraient à l'esprit les djembés indicibles d'une négrerie insondable. Challah, tu sus ? Lança un Tunisien patibulaire à une étudiante impassible à smartphone, dont le reflet des lunettes carré laissait deviner un article de Huffington Post. Timothée savait que ce n'était là qu'un avant-goût, tandis qu'il montait les marches de l'escalator en panne, menant à l'air vivifiant de la zupe. Il accéléra le pas en longeant les plus belles œuvres de Corbusier, craignant de se faire arracher sa carte de fidélité Franprix, à mesure que se posaient sur lui les regards de Larbi, Toufik, Younes et Abdel, jeunes melons en échec scolaire, qui jouaient au foot avec une tête de chat. Baissant les yeux, longeant les murs, il ne put que changer de trottoir à mesure qu'il croisait ces bandes de jeunes animés d'une haine légitime à l'égard de cet état qui jamais ne daigna aménager de Disneyland dans cette cité dortoir. Cité dortoir plombée par la crise économique, au sein de laquelle les réfrigérateurs vétustes ne parviennent plus à contenir les Oreos et les Kinder Pingui, maigre subsistance par défaut d'un prolétariat stigmatisé. Arrivé dans la cage d'escalier, en méditant sur ses injustices, Timothée demanda d'une voix chevrotante et s'en alla avec ses 3 grammes en courant sous une pluie de cailloux, durant laquelle il se jura de voter Chirac au second tour. Rentré chez lui, après toutes ses émotions, il s'installa confortablement devant Netflix avec son t-shirt Anne Shot. Lors de la crémaillère de Stanislas, le surlendemain, face à Jérôme qui évoquait l'islamisation rampante du pays des droits de l'homme, il répliqua fièrement « Ha ha, je ne suis pas raciste. D'ailleurs, mon dealer est maghrébin. »